Livre sixième, chapitre 2. Le trou au rat. Que le lecteur nous permette de le ramener à la place de grève que nous avons quittée hier avec Gringoire pour suivre la Esmeralda. Il est 10 heures du matin, tout y sent le lendemain de fête. Le pavé est couvert de débris, rubans, chiffons, plumes des panaches, gouttes de cire des flambeaux, miettes de la ripaille publique. Bon nombre de bourgeois flânent, comme nous disons, ça et là, remuant du pied les tisons éteints du feu de joie, s'extasiant devant la maison aux piliers, au souvenir des belles tentures de la veille, et regardant aujourd'hui les clous, dernier plaisir. Les vendeurs de cidre et de cervoise roulent leurs barriques à travers les groupes. Quelques passants affairés vont et viennent. Les marchands causent et s'appellent du seuil des boutiques. La fête, les ambassadeurs, Coppenole, le pape des fous, sont dans toutes les bouches. C'est à qui glosera le mieux et rira le plus. Et cependant, 4 sergents à cheval qui viennent de se poster aux 4 côtés du pilori ont déjà concentré autour d'eux une bonne portion du populaire épars sur la place, qui se condamne à l'immobilité et à l'ennui dans l'espoir d'une petite exécution. Si maintenant le lecteur, après avoir contemplé cette scène vive et criarde qui se joue sur tous les points de la place, porte ses regards vers cette antique maison demi-gothique, demi-romane, de la tour Roland qui fait le coin du quai au couchant, il pourra remarquer à l'angle de la façade un gros bréviaire public à riches enluminures, garanti de l'appui par un petit auvent et des voleurs par un grillage qui permet toutefois de le feuilleter. À côté de ce bréviaire est une étroite lucarne ogive fermée de 2 barreaux de fer en croix, donnant sur la place, seule ouverture qui laisse arriver un peu d'air et de jour à une petite cellule sans porte pratiquée au rez-de-chaussée dans l'épaisseur du mur de la vieille maison. Et, pleine d'une paix d'autant plus profonde, d'un silence d'autant plus morne, qu'une place publique, la plus populeuse et la plus bruyante de Paris, fourmille et glapit alentour. Cette cellule était célèbre dans Paris, depuis près de 3 siècles que Madame Rolande de la Tour Roland, en deuil de son père mort à la croisade, l'avait fait creuser dans la muraille de sa propre maison pour s'y enfermer à jamais, ne gardant de son palais que ce logis dont la porte était murée et la lucarne ouverte hiver comme été, donnant tout le reste aux pauvres et à Dieu. La désolée demoiselle avait en effet attendu 20 ans la mort dans cette tombe anticipée, priant nuit et jour pour l'âme de son père, dormant dans la cendre, sans même avoir une pierre pour oreiller, vêtue d'un sac noir, et ne vivant que de ce que la pitié des passants déposait de pain et d'eau sur le rebord de sa lucarne, recevant ainsi la charité après l'avoir faite. À sa mort, au moment de passer dans l'autre sépulcre, elle avait légué à perpétuité celui-ci aux femmes affligées, mères, veuves ou filles, qui auraient beaucoup à prier pour autrui ou pour elle, et qui voudraient s'enterrer vive dans une grande douleur ou dans une grande pénitence. Les pauvres de son temps lui avaient fait de belles funérailles de larmes et de bénédictions, mais à leur grand regret, la pieuse fille n'avait pu être canonisée sainte, faute de protection. Ceux d'entre eux qui étaient un peu impies avaient espéré que la chose se ferait en paradis plus aisément qu'à Rome, et avaient tout bonnement prié Dieu pour la défunte, à défaut du pape. La plupart s'étaient contentés de tenir la mémoire de Rolande pour sacrée et de faire relique de ses haillons. La ville, de son côté, avait fondé à l'intention de la demoiselle un bréviaire public qu'on avait scellé près de la lucarne de la cellule, afin que les passants s'y arrêtassent de temps à autre, ne fût-ce que pour prier, que la prière fît songer à l'aumône, et que les pauvres recluses, héritières du caveau de Madame Rolande, n'y mourussent pas tout à fait de faim et d'oubli. Ce n'était pas du reste chose très rare dans les villes du Moyen-Âge que cette espèce de tombeau. On rencontrait souvent dans la rue la plus fréquentée, dans le marché le plus bariolé et le plus assourdissant, tout au beau milieu, sous les pieds des chevaux, sous la roue des charrettes en quelque sorte, une cave, un puits, un cabanon muré et grillé, au fond duquel priait jour et nuit un être humain, volontairement dévoué à quelque lamentation éternelle, à quelque grande expiation. Et toutes les réflexions qu'éveilleraient en nous aujourd'hui cet étrange spectacle, cette horrible cellule, sorte d'anneau intermédiaire de la maison et de la tombe, du cimetière et de la cité, ce vivant retranché de la communauté humaine, et compté désormais chez les morts, cette lampe consumant sa dernière goutte d'huile dans l'ombre, ce reste de vie vacillant dans une fosse, ce souffle, cette voix, cette prière éternelle dans une boîte de pierre, cette face à jamais tournée vers l'autre monde, cet œil déjà illuminé d'un autre soleil, cette oreille collée aux parois de la tombe, cette âme prisonnière dans ce corps prisonnier dans ce cachot, et sous cette double enveloppe de chair et de granit, le bourdonnement de cette âme en peine. Rien de tout cela n'était perçu par la foule. La piété peu raisonneuse et peu subtile de ce temps-là ne voyait pas tant de facettes à un acte de religion. Elle prenait la chose en bloc et honorait, vénérait, sanctifiait au besoin le sacrifice, mais n'en analysait pas les souffrances et s'en apitoyait médiocrement. Elle apportait de temps en temps quelques pitances aux misérables pénitents, regardait par le trou s'il vivait encore, ignorait son nom, savait à peine depuis combien d'années il avait commencé à mourir, et à l'étranger qui les questionnait sur le squelette vivant qui pourrissait dans cette cave, les voisins répondaient simplement « Si c'était un homme, c'est le reclus, si c'était une femme, c'est la recluse. » On voyait tout ainsi alors, sans métaphysique, sans exagération, sans verre grossissant, à l'œil nu. Le microscope n'avait pas encore été inventé ni pour les choses de la matière, ni pour les choses de l'esprit. D'ailleurs, bien qu'on s'en émerveillât peu, les exemples de cette espèce de claustration au sein des villes étaient en vérité fréquents, comme nous le disions tout à l'heure. Il y avait dans Paris assez bon nombre de ces cellules à prier Dieu et à faire pénitence. Elles étaient presque toutes occupées. Il est vrai que le clergé ne se souciait pas de les laisser vides, ce qui impliquait tiédeur dans les croyants, et qu'on y mettait des lépreux quand on n'avait pas de pénitents. Outre la logette de la Grève, il y en avait une à Montfaucon, une au Charnier des Innocents, une autre je ne sais où, au logis de Clichon, je crois. D'autres encore à beaucoup d'endroits où l'on en retrouve la trace dans les traditions, à défaut des monuments. L'université avait aussi la sienne. Sur la montagne Sainte-Geneviève, une espèce de Job du Moyen-Âge chanta pendant 30 ans les 7 psaumes de la pénitence sur un fumier au fond d'une citerne, recommençant quand il avait fini, psalmodiant plus haut la nuit, « Magna voce per umbras ». Et aujourd'hui, l'antiquaire croit entendre encore sa voix en entrant dans la rue du Puy qui parle. Pour nous en tenir à la loge de la Tour Roland, nous devons dire qu'elle n'avait jamais chômé de recluse. Depuis la mort de Madame Rolande, elle avait été rarement une année ou deux vacante. Maintes femmes étaient venues y pleurer, jusqu'à la mort, des parents, des amants, des fautes. La malice parisienne qui se mêle de tout, même des choses qui la regardent le moins, prétendait qu'on y avait vu peu de veuves. Selon la mode de l'époque, une légende latine inscrite sur le mur indiquait aux passants lettrés la destination pieuse de cette cellule. L'usage s'est conservé jusqu'au milieu du XVIe siècle d'expliquer un édifice par une brève devise écrite au-dessus de la porte. Ainsi on lit encore en France, au-dessus du guichet de la prison de la maison seigneuriale de Tourville, « Sileto espera ». En Irlande, sous l'écusson qui surmonte la grande porte du château de Fortescue, « Fortes cutum, salus ducum ». En Angleterre, sur l'entrée principale du manoir hospitalier des comtes Cowper, « Tum est ». C'est qu'alors, tout édifice était une pensée. Comme il n'y avait pas de porte à la cellule murée de la tour Roland, on avait gravé en grosses lettres romanes au-dessus de la fenêtre ces deux mots « Tu aura ». Ce qui fait que le peuple, dont le bon sens ne voit pas tant de finesse dans les choses, et traduit volontiers Ludovico Magno, par Porte Saint-Denis, avait donné à cette cavité noire, sombre et humide le nom de « trou aux rats ». Explication moins sublime peut-être que l'autre, mais en revanche plus pittoresque.